Bonjour, chez l'Inter, il est 13h, le journal, voici les titres. Le Maroc et les États insulaires du Pacifique s'engagent à renforcer leur coopération dans un esprit de solidarité et dans le respect des priorités nationales. C'est ce qui ressort de la déclaration de la UN adoptée par le 3e forum Maroc-États insulaires du Pacifique. À la une de l'actualité internationale, l'escalade meurtrière entre soldats turcs et syriens monte encore d'un cran. Analyse dans ce journal du vice-président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Sport football, Ligue africaine des clubs champions, quart de finale aller. Le Wydad affronte ce soir à partir de 20h l'équipe de l'Étoile sportive du Sahel au complexe Mohamed V à Casablanca. Bienvenue dans cette nouvelle édition complète de la mi-journée. La Youn, première étape de ce journal. La Youn où s'est tenu le 3e forum Maroc-État insulaire du Pacifique. Ce forum a été couronné par la signature de plusieurs accords de coopération entre le Maroc et ses États en vue de donner une forte impulsion à leur partenariat dans différents domaines. Ces conventions ont été signées par le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et les chefs de délégation de ces États insulaires au terme du forum. Un forum qui a clôturé ses travaux hier. Le forum s'est tenu sous le signe de la consolidation des liens de coopération, de la mise en œuvre des engagements pris dans ce sens, de l'unification des voix et de la promotion de la prospérité partagée. Pour le secrétaire général du Forum de développement des îles du Pacifique, Solo Marin, la tenue de ce forum dans la ville de La Youn constitue une reconnaissance claire et sans équivoque de la marocanité du Sahara. Nos provinces du Sud, on y reste. Après la Côte d'Ivoire, le Gabon, Sao Tomé et Principe, la République centrafricaine et l'Union des Comores, c'est au tour du Burundi d'ouvrir un consulat général à La Youn. La représentation diplomatique burundaise a été inaugurée hier par les chefs de la diplomatie du Maroc et de ce pays d'Afrique de l'Est. On écoute l'ambassadeur du Burundi au Maroc, Ezekiel Nebijira. Comme vous le dites, c'est un bras de fer vraiment qui domine la situation au nord. Nous retrouvons l'ambassadeur du Burundi au Maroc, Ezekiel Nebijira, dans notre édition de 16h. Et bon, dans la même journée, mais à 500 km au sud de La Youn, à Dakhla, précisément, un autre consulat a ouvert ses portes, celui de la République de Djibouti. Il s'agira de la 3e représentation diplomatique consulaire inaugurée à Dakhla après le consulat général de Gambie et de la Guinée. Et lors d'un point de presse à l'occasion de l'ouverture du consulat général de Djibouti à Dakhla, Nasser Bourita a révélé que des documents officiels émanant malheureusement d'un État voisin invitent les autres pays à ne pas participer au forum de Crans-Montana prévu prochainement dans la ville de Dakhla. Le forum Crans-Montana sera tenu à la date prévue et connaîtra le même succès que les années précédentes, étant donné que la logique du Maroc a été toujours une logique de construction, assure le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. À la une de l'actualité internationale, la tension est montée d'un cran après de lourdes pertes turques en Syrie. Les présidents russes et turcs se sont entretenus pour tenter de maîtriser la brusque escalade dans le nord-ouest syrien après la mort de plus de 30 soldats turcs dans des frappes du régime de Damas auquel la Russie est alliée après avoir essuyer ses plus lourdes pertes en une seule attaque depuis le début de son intervention en Syrie en 2016. La Turquie a réclamé le soutien de la communauté internationale, brandissant la menace d'un nouveau flux de migrants vers l'Europe. Cette poussée de fièvre risque d'aggraver la situation humanitaire. Déjà critique à Idlib, où près d'un million de personnes ont été déplacées ces derniers mois par l'offensive. Walalou Abdelhafid, vice-président de l'Institut marocain des relations internationales, nous en parle. Comme vous le dites, c'est un bras de fer vraiment qui domine la situation au nord-ouest de la Syrie, c'est-à-dire dans la région d'Idlib, où les différentes opérations militaires de la part de Damas, bien sûr protégées par l'aviation russe, et de l'autre côté, l'intervention militaire turque pour, soi-disant, protéger ses frontières avec la Syrie. Bien sûr, maintenant, la tension est montée d'un cran, comme vous le dites, avec la mort des deux côtés de soldats turcs et aussi syriens. Et je pense que c'est une situation très complexe à laquelle s'ajoute la situation humanitaire de ces populations qui migrent vers l'étranger. Jusqu'à présent, d'après les chiffres des Nations Unies, depuis 2011, on dépasse les 390 000 morts, bien sûr, dans cette région, et aussi plus de 11 millions de réfugiés qui sont maintenant dans des conditions inhumaines, que ce soit en Jordanie, en Turquie, en Irak. Et bien sûr, la Turquie, maintenant, elle exerce un chantage contre les pays de l'Union européenne. Si vous manifestez votre soutien à la Turquie à travers l'OTAN, je ferme les frontières, sinon j'ouvre et ça sera vraiment l'envahissement de toute l'Europe par ces milliers de réfugiés, comme ça a été le cas en 2014-2015. Voilà, c'est une situation vraiment qui évolue d'une manière très rapide et que la Syrie est déterminée, avec bien sûr la protection de Moscou, déterminée à libérer son territoire. Abdelhafid Walalouf, il est vice-président de l'IMRIS, l'Institut marocain des relations international. Et à propos du Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus, dont la propagation s'accélère notamment en Corée du Sud et en Iran. En Corée du Sud, les autorités ont recensé ce samedi 3 nouveaux décès, portant à 16 le bilan de l'épidémie dans le monde, dans le pays. Et 594 cas supplémentaires de contamination ont été comptabilisés, la plus forte hausse quotidienne à cette date. Avec près de 3000 cas, la Corée du Sud est le deuxième pays le plus touché au monde par l'épidémie derrière la Chine. Dans le reste du monde, le coronavirus a contaminé plus de 5000 personnes et fait plus de 80 morts. Et puis les bourses ont dégringolé, enregistrant des pertes aussi entre 3% et 5%. La bourse de New York a connu une semaine noire avec un Dow Jones en baisse de plus de 12% sur les 5 jours durant les 5 derniers jours. Les marchés financiers connaissent une de leurs pires semaines depuis la crise financière de 2008-2009 qui avait plongé l'économie mondiale dans la récession. Avions cloués au sol, centres commerciaux déserts en Chine, écoles et parcs d'attractions fermés au Japon, événements ou salons internationaux annulés. Le monde se mobilise donc à mesure que le Covid-19 se propage et l'économie mondiale est déstabilisée. On termine la page internationale par la crise en Afghanistan. Le secrétaire d'État Mike Pompeo est à Doha pour assister à la signature d'un accord historique entre les États-Unis et les talibans. Accord qui ouvrira la voie à un retrait des troupes américaines d'Afghanistan et à des négociations de paix inédites. Le texte négocié pendant un an et demi au Qatar doit être signé ce matin. Cet accord doit permettre d'amorcer un retrait des forces américaines après 18 ans de guerre en Afghanistan. Hier, le président Donald Trump a exhorté les Afghans à saisir la chance de la paix. Et pour clore ce journal, un mot de sport. Louis Dade affronte ce samedi à partir de 20h au complexe sportif Mohamed V à Casablanca l'équipe de l'Étoile sportive du Sahel, et ce pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue africaine des champions, des clubs champions. L'entraîneur adjoint des Rouges se dit confiant. On écoute Moussa Ndao. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. On a plus d'expérience sur eux par rapport à la Champions League, où on était l'année dernière. En tout cas, on se rappelle tous de la fameuse finale de Rades, où on a été jusqu'au bout. Donc là, c'est une autre compétition qui commence, avec un entraîneur qui était à la tête de cette équipe, comme j'ai dit tantôt, il y a quelques mois de cela. Donc c'est, en tout cas pour nous, c'est un atout supplémentaire pour essayer de passer ce cap. On le sait tous aussi, les quarts de finale, il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes sont des prétendants au titre, elles les ont tous gagnées. Donc à nous, l'entraîneur a beau mettre tout le discours qu'il veut, c'est aux joueurs qui sont sur le terrain en tout cas de se donner à fond pour montrer en tout cas que le WAC demeure sur ces 5 dernières années en tout cas une des équipes les plus constantes au niveau africain. Et à nous de surmonter tout ça et de faire un très très grand match par rapport à une équipe qu'on respecte, c'est vrai. Mais on joue à la maison, on a deux atouts. L'atout numéro un, c'est notre public, on le sait, exceptionnel. Et l'atout numéro deux, c'est l'entraîneur Garrido qui était à la tête de cette équipe. Donc voilà, nous en tout cas, de retrouver en tout cas toute la confiance pour s'imposer sur le match aller. Moussendo, il est l'entraîneur adjoint du Wydad. Et puis dans l'autre match aller de ces quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF, le Raja de Casablanca a battu le TP Mazembe sur le score de 2-0. Et c'était hier soir au stade du complexe Mohamed V. Le match retour est prévu le 7 mars prochain à Le Mont-Bachy. 13h passé de 11 minutes sur chaîne Inter. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le Maroc et les États insulaires du Pacifique s'engagent à renforcer leur coopération dans un esprit de solidarité et dans le respect des priorités nationales.